Genèse chapitre 37. Or Jacob demeura au pays où son père avait demeuré comme étranger, c'est-à-dire au pays de Chanaan. Ce sont ici les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait avec ses frères les troupeaux, et il était jeune garçon entre les enfants de Bilha, et entre les enfants de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapporta à leur père leur méchant discours. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu en sa vieillesse, et il lui fit une robe bigarrée. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient, et ne pouvaient lui parler avec douceur. Or Joseph songea un songe, lequel il récita à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Il leur dit donc, « Écoutez, je vous prie, le songe que j'ai songé, voici, nous lions des gerbes au milieu d'un champ, et voici, ma gerbe se leva, et se tint droite, et voici, vos gerbes l'environnèrent, et se prosternèrent devant ma gerbe. » Alors ses frères lui dirent, « Régnerais-tu en Ephraïm ? T'es sur nous, et dominerais-tu en effet sur nous ?» Et ils le haïrent encore plus, pour ses songes et pour ses paroles. Il songea encore un autre songe, et il le récita à ses frères, en disant, « Voici, j'ai songé encore un songe, et voici, le soleil, et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et quand il le récita à son père et à ses frères, son père le reprit, et lui dit, « Que veut dire ce songe que tu as songé ? Faudra-t-il que nous venions, moi, et ta mère, et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père retenait ses discours. Or ses frères s'en allèrent paître les troupeaux de leur père en Sichem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux en Sichem ? Viens, que je t'envoie vers eux. » Et il lui répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va maintenant, voici tes frères se portent bien, et si les troupeaux sont en bon état, et rapporte-le-moi. » Ainsi il l'envoya de la vallée d'Hébron, et il vint jusqu'en Sichem. Et Hénom le trouva comme il était errant par les champs, et cet homme lui demanda, et lui dit, « Que cherches-tu ? » Et il répondit, « Je cherche mes frères, je te prie, enseigne-moi où ils paissent. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, et j'ai entendu qu'ils disaient, « Allons en Dothaïn. » Joseph donc alla après ses frères, et les trouva en Dothaïn. Et ils le virent de loin, et, avant qu'il approchât d'eux, ils complotèrent contre lui, pour le tuer. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici, ce maître songeur vient. Maintenant donc, venez, et tuons-le, et jetons-le dans une de ses fosses, et nous dirons qu'une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Mais Ruban entendit cela, et le délivra de leurs mains, en disant, « Ne lui ôtons point la vie. » Ruban leur dit encore, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette fosse qui est au désert, mais ne mettez point la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains, et le renvoyer à son père. Aussitôt donc que Joseph fut venu à ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de cette robe bigarrée qui était sur lui, et, l'ayant pris, ils le jetèrent dans la fosse, mais la fosse était vide, et il n'y avait point d'eau. Ensuite ils s'assirent pour manger du pain, et, levant les yeux, ils regardèrent, et voici une troupe d'Ismaélites qui passait, et qui venait de Galaa, et leurs chameaux portaient des drogues, du baume et de la myrrhe, et ils allaient porter ces choses en Égypte. Et Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, et vendons-la à ces Ismaélites, et ne mettons point notre main sur lui, car notre frère, c'est notre chair et ses frères y acquiescèrent. » Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse, et le vendirent 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui emmenèrent Joseph en Égypte. Puis Ruban retourna à la fosse, et voici, Joseph n'était plus dans la fosse, et Ruban déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères, et leur dit, « L'enfant ne se trouve point, et moi, où irai-je ? » Et ils prirent la robe de Joseph, et, ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils ensanglantèrent la robe, puis ils envoyèrent et firent porter à leur père la robe bigarrée, en lui disant, « Nous avons trouvé ceci, Reconnais maintenant si c'est la robe de ton fils, ou non. » Et il l'a reconnue, et dit, « C'est la robe de mon fils, une mauvaise bête l'a dévorée, certainement Joseph a été déchiré. » Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils durant plusieurs jours. Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il rejeta toute consolation, et dit, « Certainement je descendrai en menant deuil au sépulcre vers mon fils. » C'est ainsi que son père le pleurait. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon, prévôt de l'autel.